à la mairie, à l'église. Impression de madame. Il est bien certain que le mariage à la mairie a une importance assez grande. Mais est-il possible vraiment, pour une personne délicate, de prendre cette importance au sérieux? J'ai passé par là, j'ai subi, comme tout le monde, cette formalité pénible, et je n'y peux penser sans une sorte d'humiliation. À peine descendu de voiture, j'aperçus à droite un escalier boueux. Les murs étaient tapissés d'affiches de toutes couleurs, et devant l'une d'elles, un homme en paletot marron, sans chapeau, une plume derrière l'oreille, des papiers sous le bras, roulait une cigarette entre ses doigts tachés d'encre. À gauche, une porte s'ouvrit et j'aperçus une salle basse et sombre, dans laquelle une douzaine de tambours de la garde nationale fumaient dans des pipes noires. Ma première pensée en entrant dans cette caserne fut que j'avais bien fait de ne point mettre ma robe à fond gris. Nous montâmes l'escalier et je vis alors un long corridor peu éclairé, malpropre, garni d'un grand nombre de portes vitrées sur lesquelles je lus « pompe funèbre, tournez le bouton »,« expropriation »,« décès, frappez fort »,« réclamation »,« naissance »,« salubrité », etc. et enfin « mariage, tournez s'il vous plaît ». Ce fut là que nous entrâmes en compagnie d'un jeune enfant qui portait une bouteille d'encre. Il y avait là un air épais, lourd, trop chaud, qui soulevait le cœur. Fort heureusement, un garçon à livrée bleue, qui ressemblait comme aspect au tambour que j'avais entrevus en bas, vint s'excuser de ne pas nous avoir introduits de suite dans le salon de Monsieur le maire. C'est la salle d'attente de la première classe. Je m'y précipitai comme on se précipite dans un coupé de louages lorsque la pluie commence à tomber. Ce salon de Monsieur le maire avait je ne sais quoi de provincial et de bourgeoisement officiel qui me mit en gaieté. La pendule était de celle qu'on gagne aux loteries de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Un baromètre à cadran, une bibliothèque qui me parut avoir été mise là pour cacher une porte, et, au-dessus de la bibliothèque, l'image du souverain en plâtre. Au milieu de cette pièce, une grande table de cabinet de lecture recouverte d'un drap vert taché d'encre en plusieurs endroits. Imaginez-vous le salon d'un dentiste qui a été notaire. Presque immédiatement, deux individus, dont l'un ressemblait comme deux gouttes d'eau au caissier du Petit Saint-Thomas, apportèrent deux registres, et après les avoir ouverts, y écrivirent pendant quelque temps. Ils s'interrompaient pour demander le nom, l'âge, les prénoms de chacun de nous, puis continuaient à écrire en se disant à voix basse, point et virgule, entre les conjoints, à la ligne, etc., etc. Quand il eut fini d'écrire, le caissier du Petit Saint-Thomas lut à haute voix, quoiqu'il parlât du nez, ce qu'il venait de composer, et je n'y compris absolument rien, si ce n'est qu'on répétait mon nom souvent, ainsi que celui de mon conjoint. On nous présenta une plume et nous signâmes. Voilà. 2 heures sonnaient à la pendule de Monsieur le maire et j'avais donné rendez-vous à ma couturière pour retoucher le corsage. « C'est fini, » fis-je à Georges, qu'à mon grand étonnement, je trouvais fort pâle. « Pas encore, » me dit-il, cher ami. « Nous allons aller maintenant dans la salle des mariages. » Le corsage à retoucher me poursuivait. Nous entrâmes dans une grande salle vide, au grand mur nu, un buste de l'empereur au fond, au-dessus d'une estrade en chêne, des banquettes derrière quelques fauteuils et de la poussière sur le tout. J'étais mal disposé à ce qu'il paraît, car il me sembla que j'entrais dans un embarcadère et je ne pus m'empêcher de regarder maman et mes tantes qui étaient d'une gaieté folle en passant en revue ces banquettes vides. Ces messieurs, au contraire, qui affectaient sans doute de ne point penser comme nous, étaient tous graves, et je vis très bien que Georges tremblait pour tout de bon. Enfin, le maire entra par une petite porte et nous apparut, gauche, petit, dans son habit noir trop large que son écharpe faisait remonter. C'est pourtant un homme fort respectable, qui a amassé une fortune honorable dans la vente des lits en fer. Mais comment m'imaginer que ce petit monsieur embarrassé, mal habillé, timide, pût, d'un mot prononcé avec hésitation, m'unir par des liens éternels? Et puis ce maire avait une ressemblance fatale avec mon accordeur de piano. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Tout à l'heure, c'était le caissier du Petit Saint-Thomas. Je mordis mes lèvres pour ne point éclater. Monsieur le maire, après nous avoir salués comme salue un homme qui a une cravate blanche et pas de chapeau, c'est-à-dire assez niaisement, se moucha, au grand contentement de ses deux bras qui ne savaient où se fourrer, et entama lestement la petite cérémonie. Il récita avec précipitation plusieurs passages du code en indiquant les numéros des paragraphes, et je compris confusément que l'on me menaçait des gendarmes si je n'obéissais pas aveuglément aux ordres et aux fantaisies de mon époux. Si je ne le suivais partout où il voudrait bien me conduire, serait-ce rue Saint-Victor, au 6e étage. 20 fois je fus sur le point d'interrompre le maire et de lui dire « Permettez, monsieur, voilà des paroles qui ne sont guère polies pour moi, et vous devez savoir par vous-même qu'elles n'ont pas le sens commun. » Mais je me retins dans la crainte d'intimider le magistrat qui me parut avoir hâte de finir. Il ajouta cependant quelques mots sur les devoirs des époux, la société, la paternité, etc., etc. Mais toutes ces belles choses, qui m'auraient peut-être fait pleurer ailleurs, me semblaient grotesques, et je ne pouvais oublier cette douzaine de tambours jouant au piquet autour du poêle et cette enfilade de portes où j'avais lu « salubrité »,« pompe funèbre », »,« décès », »,« expropriation », etc. J'aurais souffert vraiment que ce marchand de lit en fer touchât à mes rêves chéris, si le côté comique de ma situation n'eût attiré mon attention tout entière et si le fou rire ne m'eût gagné. « Monsieur Georges, vous jurez de prendre pour épouse, mademoiselle, etc. » dit le maire en se penchant. Mon mari s'inclina et répondit « oui, fort bas ». Il m'a avoué depuis qu'il n'avait jamais éprouvé de plus vive émotion qu'en prononçant ce « oui ». Mademoiselle Berthe, ajouta le magistrat en se tournant vers moi, « vous jurez de prendre pour époux, etc. » Je m'inclinai en souriant et je disais à part moi, « mais oui, parbleu, c'est évident, puisque je suis venu pour cela, tout exprès. » Ce fut tout, j'étais marié à ce qu'il paraît. Mon père et mon mari se serrèrent les mains comme des gens qui ne se sont pas vus depuis 20 ans. Leurs yeux étaient humides. Quant à moi, impossible de partager leur émotion. J'avais très faim et nous fîmes arrêter la voiture, nous deux mamans, devant le pâtissier, avant de monter chez la couturière. Ce fut ma dernière tarte de jeune fille. Le lendemain matin, c'était le grand jour, et quand je m'éveillais, on y voyait à peine. J'ouvris la porte qui donnait dans le salon, ma robe était étalée sur le canapé, le voile plié était à côté, mes bottines, ma coiffure dans une boîte blanche moirée, rien ne manquait. J'avalais un grand verre d'eau. J'étais émue, inquiète, heureuse, tremblante, le matin d'une bataille où l'on est sûr d'être décoré. Je ne pensais ni à mon passé, ni à mon avenir. J'étais envahie tout entière par l'idée de cette cérémonie, de ce sacrement le plus solennel de tous, de ce serment que j'allais faire devant Dieu, et aussi par l'idée de cette foule en toilette venue là tout exprès pour me voir passer. Nous déjeunâmes de fort bonne heure. Mon père avait ses bottes, son pantalon, sa cravate blanche et sa robe de chambre. Ma mère était aussi à moitié habillée. Il me sembla que les domestiques mettaient un plus grand soin à me servir et m'entouraient de plus de respect. Je me souviens même que Marie me dit « Madame sait que le coiffeur est là ?»« Madame, l'excellente fille, je ne l'ai point oubliée. » Il me fut impossible de manger. J'avais le gosier sec et me sentais dans tout le corps des frissons d'impatience assez semblables à cette sensation que l'on éprouve lorsque l'on a très soif et que l'on attend que le sucre soit fondu. Le son de l'orgue me poursuivait et le mariage d'Emma et de Louis me traversait l'esprit. Je m'habillai, le coiffeur lui aussi m'appelait madame et m'exécuta une coiffure si heureuse que je me dis, je m'en souviens, voilà qui commence bien, cette coiffure est d'un bon augure. J'empêchai Marie qui voulait serrer mon corset plus qu'à l'ordinaire. Je sais bien que le blanc grossit et que Marie n'avait pas tort, mais je craignais que cela ne me fît monter le sang à la tête. J'ai toujours eu en horreur les mariés qui ont l'air de sortir de table. Les émotions religieuses doivent être trop profondes pour se traduire autrement que par la pâleur. Il est niais de rougir en certaines circonstances. Quand je fus habillée, je passai dans le salon pour avoir plus d'espace et promener un peu ma jupe. Mon père et Georges y étaient déjà, parlant avec animation. « Les voitures sont arrivées ?»« Oui, sans doute. et pour le salutaris. Allons, très bien, vous vous chargerez de tout. Et la pièce de mariage? Sans doute, j'ai l'anneau. Ah, mon Dieu, où est mon billet de confession? Ah, très bien, je l'ai laissé dans la voiture. Etc. Il disait cela rapidement, en gesticulant, comme les gens les plus affairés du monde. Quand Georges m'aperçut, il m'embrassa la main, et tandis que les femmes de chambre, accroupies autour de moi, travaillaient la jupe, que le coiffeur rognait le tulle du voile, il me dit d'une voix enrouée « Vous êtes charmante, chère amie !» Il ne pensait pas du tout ce qu'il disait, et j'en répondis machinalement « Vous trouvez pas trop court le voile, monsieur Silvani ? Vous n'oublierez pas le nœud du corsage, Marie. Quand il faut avoir l'œil à tout, on n'a pas trop de toute sa présence d'esprit. » Cependant, la voix enrouée de Georges me revint en mémoire et je me dis « Je suis sûre qu'il est enrhumé. Il est visible qu'il s'est fait couper les cheveux trop courts. » J'en eus bientôt la conviction. « Mais vous êtes enrhumé, mon bon ami, » lui dit mon père. « Ne m'en parlez pas, » répondit-il tout bas. Et plus bas encore, avec un sourire un peu embarrassé, « Soyez donc assez bon pour me faire donner un second mouchoir de poche. J'en ai déjà un, mais... Comment donc, cher ami ? Merci mille fois. » C'était une niaiserie, à coup sûr. Eh bien, j'en fus contrarié. Et je me rappelle qu'en descendant l'escalier, tandis qu'on portait la queue de ma jupe derrière moi, je me disais « Pourvu qu'il n'aille pas éternuer sous le poêle !» Je n'y pensais bientôt plus, nous montâmes en voiture, je sentais que tout le monde me regardait et j'apercevais dans la rue, au-delà de la porte cochère, des groupes de curieux. Ce que j'éprouvais est impossible à dire, mais c'était délicieux. Le coup de canne des Suisses retentira éternellement dans mon cœur. Nous nous arrêtâmes un instant sur le tapis rouge. Le grand orgue lançait à toute volée une marche triomphale, des milliers de visages souriants se tournaient vers moi, et tout au fond, dans un milieu idéal de soleil, d'encens, d'or et de velours, deux fauteuils dorés pour nous asseoir devant le bon Dieu. Je ne sais pourquoi une vieille gravure, qui est dans le cabinet de mon père, traversa mon esprit. Cette gravure représente l'entrée d'Alexandre à Babylone. Il est sur un éléphant ruisselant de pierreries. Vous devez connaître cela. Seulement, Alexandre était un païen qui avait bien des crimes à se reprocher, tandis que moi, j'étais pure. Oh, je le sentais bien, je n'aurais pas joui aussi délicieusement sans cela. Et d'ailleurs, j'avais fait mes dévotions la veille. J'étais pure. Le bon Dieu me souriait et de sa main paternelle m'invitait à m'asseoir en sa maison, sur son tapis rouge, dans son fauteuil doré. Le ciel tout entier, ému d'allégresse, me jouait des airs, et là-haut, à travers les vitraux étincelants, les archanges, pleins de bienveillance, chuchotaient en me regardant. À mesure que je passais, les têtes s'inclinaient, ainsi qu'un champ de blé que fait plier le vent. Mes amis, mes parents, mes ennemis, mes connaissances, nous saluaient de la tête, et je voyais, car on voit tout malgré soi dans ces jours solennels, que l'on ne me trouvait pas mal. Arrivé au fauteuil doré, je m'inclinai avec une précipitation contenue sur le prie-Dieu. Mon chignon était haut, dégageant le cou que j'ai passable, et je remerciai le Seigneur. L'orgue cessa ses chants de triomphe, et j'entendis à mes côtés ma pauvre mère qui fondait en larmes. Oh, que je comprends ce que doit éprouver le cœur d'une mère dans une semblable cérémonie! Tout en regardant avec recueillement le clergé qui s'avançait en pompe, j'aperçus Georges. Il semblait irrité, il était droit, roide, les narines grandes ouvertes et les lèvres pincées. Je lui en ai toujours un peu voulu de n'avoir pas été plus sensible à ce qui m'arrivait ce jour-là, mais les hommes ne comprennent pas cette poésie. Le discours de Monseigneur qui nous maria fut un chef-d'œuvre. Et de plus, il fut prononcé avec cette onction, cette dignité, ce charme persuasif que vous lui connaissez. Il parla de nos deux familles, où les pieuses croyances sont héréditaires comme l'honneur. On eut entendu une mouche voler tant on écoutait avec recueillement la voix du prélat. Puis, à un moment, il se retourna vers moi et sut me faire comprendre avec mille délicatesses que j'épousais un des plus nobles officiers de l'armée. « Le ciel sourit, dit-il, au guerrier qui met au service de la patrie une épée bénie par Dieu, et qui, alors qu'il s'élance à travers la mêlée, peut mettre la main sur son cœur et jeter à l'ennemi ce noble cri de guerre, « Je crois ». comme tout cela est dit, pensé, que de grandeur dans cette éloquence sacrée, un léger frisson parcourut l'assemblée, mais ce ne fut pas tout. Monseigneur s'adressa ensuite à Georges, et d'une voix aussi douce et onctueuse qu'elle était tout à l'heure vibrante et enthousiaste, « Monsieur, vous allez prendre pour compagne une jeune fille. » J'ose à peine me rappeler toutes les choses gracieuses et délicates que Monseigneur dit à mon sujet. Élevée saintement par une mère chrétienne qui a su partager avec elle, si je puis le dire, toutes les vertus de son cœur, tous les charmes de son esprit. Maman sanglotait. Elle saura aimer son époux comme elle a aimé son père, ce père plein de tendresse qui, dès le berceau, fit germer en elle les sentiments de noblesse et de désintéressement qui, papa souriait malgré lui, ce père dont les pauvres savent le nom et qui, dans la maison de Dieu, a sa place marquée au banc des élus, papa et Marguillier depuis sa retraite. Et vous, monsieur, vous respecterez, oh, j'en ai l'assurance, tant de pureté, d'ineffable candeur. Je sentais mes yeux s'humecter, et sans oublier les charmes périssables et physiques de l'ange que Dieu vous donne, vous remercierez le ciel des qualités 100 fois plus précieuses et plus durables que renferment son cœur et son esprit. Je fondis en larmes. Jamais notre sainte religion ne m'était apparue plus noble, plus grande, plus persuasive. Tandis que Monseigneur prononçait ces derniers mots, un rayon de soleil tomba sur son front vénérable. Je le vis ainsi à travers mes larmes. Ce n'était plus un homme, c'était un ange, et il me sembla que c'était Dieu lui-même qui parlait par sa bouche. Que ceux-là sont fous qui s'éloignent des autels et ne comprennent pas la délicieuse ivresse d'un cœur qui se contemple en Dieu. On nous fit lever, et nous restâmes ainsi l'un devant l'autre, comme sont les divins époux dans le tableau de Raphaël. Nous échangeâmes l'anneau d'or, et Monseigneur dit d'une voix lente et grave des paroles latines dont je ne compris pas le sens, mais qui m'émurent infiniment, car la main du prélat, blanche, fine, transparente, semblait me bénir. Cependant l'encensoir à la fumée bleuâtre, balancé par la main des enfants, répandait dans l'air un pieux parfum. Quel jour, grand Dieu ! Tout ce qui se passa ensuite est confus dans ma mémoire. J'étais ébloui, j'étais transporté. Je me rappelle cependant le chapeau à rose blanche dont Louise était affublée. Est-ce singulier comme il y a des gens qui manquent de goût ? En allant à la sacristie, je donnai le bras au général, et c'est alors que je vis en face les visages des assistants. Tous paraissaient émus. Bientôt on arriva en foule me saluer. La sacristie était pleine, on se poussait, on se pressait autour de moi, et je répondais à tous ces sourires, à tous ces compliments, par un petit salut où l'émotion religieuse perçait malgré moi. Oh, j'avais la conscience que quelque chose de solennel venait de s'accomplir devant Dieu et devant les hommes. J'avais conscience d'avoir serré des liens éternels, j'étais mariée. Par un retour singulier de l'esprit, je songeais alors au piteux petit mariage de la veille. Je comparais, j'en demande pardon à Dieu, l'ancien marchand de lit en fer embarrassé dans son habit noir avec Monseigneur, les paroles communes et banales de Monsieur le maire avec les élans pleins d'éloquence du prélat vénéré. Quel enseignement ! Ici le monde, là le ciel, ici la prose grossière de l'homme d'affaires, là, la poésie céleste. Georges, à qui j'en parlais dernièrement, me dit « Mais, cher ami, vous ne savez peut-être pas que le mariage à la mairie se fait gratis, tandis que… » Je lui mis la main sur la bouche pour l'empêcher d'achever. Il me sembla qu'il allait dire quelque impiété. « Gratis, gratis, voilà précisément ce que je trouve inconvenant. »